Parce que ça peut être con cette histoire de numéro. Enfin bon, là je continue parce que je viens d'écouter la cassette. Ça c'est fort quand même, je me répète un petit peu, genre ouais ce serait bien que ça marche, ouais c'est cool, c'est cool, c'est cool. Sinon, ça je répète pas mal aussi. Sinon quand même, je raconte bien l'histoire de Scream, avec vers le dur, c'est fort quand même. Mais oui, je voulais dire un truc. Il faut vraiment que tu te démerdes pour ce soir. Parce que, comme je le redis, ce serait cool que ça se fasse ce soir. Ouais, ce serait vraiment cool. Non, bon, j'arrête. Mais là, je vais te laisser parce que je vais quand même aller voir Loïs et Clark. Parce que si je loupe un épisode, ça me fait pas rire. Et puis sinon, je vais réviser un petit peu les probabilités, tu vois. Genre, histoire de bosser un petit peu. Et puis, ensuite, je vais lire dans ma chambre. Je vais m'endormir avec le livre sur moi, comme j'ai la flemme de dire au revoir à mes parents. Et puis voilà. Et puis je pense qu'il y a Romain qui va appeler. Et puis je vais passer une heure au téléphone avec lui, comme d'habitude. Et puis j'aurai pas bossé. C'est parfait. Bon, je te laisse. Je te fais de gros gros poutous. Et puis, fais-moi un sourire une fois que t'as terminé. Hein. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Bon, je te fais de gros gros poutous. Si, en fait, j'ai trouvé autre chose à dire. Je viens d'écouter une super blague sur Rire et Chanson. C'était assez fort. Mais bon, je pourrais pas la ressortir parce que c'était aux grosses têtes et franchement, ils y mettent trop la voix. Et moi, j'arrive qu'à faire Scream. Mais bon, on va arrêter avec cette histoire aussi. Et puis, sinon, tu pues des pieds. Non, je déconne, c'était dans la blague. Mais bon. Bon, mais je te laisse. Et puis, voilà. Sinon, la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Et puis sinon, chips, et non pas pss, hein, la grosse truie, vergeture. Monsieur Bricolo. Ah non, comment l'appeler aussi? Ah oui, D2000. Ça, c'était fort, quand même. Sinon, là, tu vois, je viens légèrement de me faire prendre pour une conne, parce qu'il y a mon voisin qui vient de me voir en train de parler au magnétophone. C'est pas grave, hein, je passe pour une conne, mais bon, c'est pas grave, légèrement. Mais bon, une fille qui parle au magnétophone, c'est courant, c'est vrai, c'est très courant, mais bon. Voilà, donc voilà où j'en arrive avec toi. Je passe pour une folle, c'est pas grave. Bon, je te laisse. Et puis, je te fais encore de gros poutou poutou poutou poutou. Bon, voilà, je te reparle encore sur une cassette. Je trouve ça un petit peu débile quand même de parler à un haut-parleur, mais ça, je te l'ai déjà dit. Bon, j'espère que tu t'es pas fait trop chier hier, parce que... Enfin, je sais pas, tu voulais peut-être faire autre chose, je sais pas. Mais j'ai eu ce devis au téléphone, et il m'a dit que ça s'améliorait quand même les relations, que petit à petit... Non, enfin, j'espère que ça va bien se passer, que vous allez bien vous entendre. Ce serait vraiment cool. Là, tu vois, je sors d'une heure de conversation téléphonique avec Romain. C'était sympa. C'est grave, quoi. Je sais pas, je peux pas... Apparemment, c'est peut-être qu'il a pas compris, je sais pas, mais il s'accroche vachement, quoi. Et moi, ça me fait un peu de la peine, quoi. Enfin bon, c'est une longue histoire, mais j'aimerais bien revoir quand même quelqu'un, quoi. Pour savoir si je suis vraiment attachée ou pas attachée à lui, quoi. Mais ça, c'est clair que si je suis encore attachée à lui, enfin, là, je te parle de Loïc, quoi. Et je sais pas quoi faire, mais j'ai pas trop envie de sortir avec Loïc pour l'instant, quoi. Enfin... Bon, toi les amours, c'est bon, ça va repartir, ça va être cool, ça va être trop fort. Enfin, j'espère que vous allez un petit peu plus discuter, quoi. Et sinon, vendredi, tu sors à 5h, je pense qu'on viendra te chercher à 5h. Et puis, je pense qu'on va sortir vendredi soir, mais je pense que tu vas pas pouvoir sortir. Samedi, moi, je pense pas que je vais aller en ville, mais je pense que Ludovic va y aller, donc je lui donnerai ton numéro, et puis il t'appellera, quoi. Voilà. Et sinon, Étienne et Astrid, là, c'est bon, c'est sur la bonne voie pour casser, quoi. Parce que Étienne a parlé avec Romain, et apparemment, il en a rien à foutre. Enfin, c'est ce qu'il m'avait déjà dit, quoi. Il en a rien à foutre, il est pas du tout attaché à elle, il a beau faire des efforts, il s'en fout complètement, enfin... Voilà quoi. Bon, je vais te laisser parce que là il est très tard, tu vois. J'ai très très très très très envie de dormir. Je te fais de gros gros gros gros gros bisous. Et puis voilà. Je continuerai la cassette un autre jour quand j'aurai plus de temps pour te parler de plein de choses. Mais comme t'as dit que t'allais me frapper, je me suis dit, bon, bah, je vais lui passer un petit coucou sur la cassette, comme ça elle sera contente. Et puis, ben voilà, mais je te laisse. Je vais aller faire un gros dodo. Et puis, j'ai pas bossé, j'ai rien foutu, comme d'habitude. Et puis voilà, bon, mais je te laisse.